suis qu'une ombre, rien qu'une petite flamme qui survit. Je pourrais être sombre, mais vous rendez si belle ma vie. J'entends le soir du monde, j'attends que les émotions abondent. Vos formes se devinent, je vous regarde, vous êtes divine. Peu m'importe que vous soyez un songe, j'aime votre folie, vos rires et vos larmes. C'est dans vos yeux que je replonge, je suis infiniment l'otage de vos charmes. Je sais maintenant écrire, de quoi chanter ce que je voudrais vous dire. J'ai de l'inspiration, ma plume ne sera jamais muette. Je clame mon ambition, je n'ai plus qu'une seule idée en tête. Voilà ma conclusion, c'est avec vous que je veux être. Peu m'importe que vous soyez un songe, j'aime votre folie, vos rires et vos larmes. C'est dans vos yeux que je replonge, je suis infiniment l'otage de vos charmes. Je suis infiniment l'otage de...